Le pied de la croix, les douleurs de Marie par le révérend père Frédéric William Faber, édition Brayer-Retaux. Markem d'anarchive.org d'après la numérisation de la bibliothèque Sainte-Geneviève. Licence Creative Commons, pas d'usage commercial, partage à l'identique. Chapitre 1er. 2. Pourquoi Dieu permit les souffrances de Marie? Pouvons-nous maintenant demander pourquoi Dieu permit les souffrances de Marie? Est-il respectueux de nous livrer à une telle recherche? Toutes les choses, faites avec amour, sont faites respectueusement. Si nous cherchons à savoir, ce n'est pas que nous doutions, ni que nous demandions à Dieu de nous rendre compte de ses actes, ni que nous nous croyions le droit de savoir, mais nous nous informons pour acquérir de nouvelles connaissances, et pour les changer en un nouvel amour. Peut-être n'y a-t-il pas une seule œuvre de Dieu dont tous les motifs nous soient connus ou soient à la portée de notre intelligence, s'il ne daigne nous en instruire. Les œuvres que Dieu accomplit émanent de profondeurs infinies. Mais l'expérience nous montre que plus nous savons, plus nous aimons, et c'est pourquoi nous portons nos investigations sur beaucoup de choses que l'amour nous donne seul le droit et le courage d'approfondir. Pourquoi Dieu permit-il les souffrances de sa mère, d'une mère qu'il aimait d'une manière inexprimable, qui était sans péché, qui n'avait rien à expier par la pénitence, et dont les larmes n'étaient nullement nécessaires au sang précieux, capable d'opérer seule la rédemption du monde? Les raisons que nous voyons à la surface du sujet sont celles-ci. C'était à cause de son amour pour elle. L'amour peut-il rien donner qui soit meilleur que lui-même? Or, en Jésus tout était souffrance. Même dans les grandeurs terrestres, les hautes destinées ne sont-elles pas des destinées de glorieuses souffrances et d'épreuves extraordinaires? Et combien tout n'est-il pas humain et terrestre, quoique éminemment céleste, dans les 33 années? La même loi qui enveloppe Jésus, enveloppe Marie. Elle ne pouvait avoir un plus ardent désir que celui-là dans son âme paisible. Mais cette loi est une loi de souffrance, de sacrifice, d'expiation, d'ignominie, et d'une abjection qui touche presque à l'anéantissement. Elle eût été un simple instrument plutôt qu'une mère, si elle eût été séparée de toutes ces choses, si elle fût restée, comme un paysage tranquille et sans élévation qu'éclaire le soleil, étrangère à la glorieuse tempête du calvaire, nouveau Sinaï, bien plus ardu et plus terrible que l'ancien. N'en est-il pas encore ainsi, même de ceux qui sont loin de Jésus, en comparaison de celles qui en étaient si près? N'est-ce pas l'usage de son amour de se manifester par des croix? Jésus quitta le ciel parce que la souffrance était comme un paradis pour lui, un paradis exclusivement terrestre, et s'il l'aime tant, ce paradis, il peut bien s'attendre à ce que ceux qu'il aime lui-même aimeront aussi cet Éden de souffrance. Les grandes grâces sont les chaînes de montagnes formées par les soulèvements souterrains de la douleur. Note du traducteur. L'auteur fait allusion à l'opinion des savants qui supposent que les grandes chaînes de montagnes du globe terrestre sont la suite de soulèvements produits par les révolutions intérieures de notre planète. Fin de la note. Les martyrs ont des couronnes qui leur appartiennent de droit. Marie devait-elle être privée de ces couronnes? L'excès de l'amour de Jésus ne devait-il pas être également pour elle un excès de souffrance? Mais à quoi bon perdre tant de paroles quand il suffit de faire appel à nos instincts chrétiens? À quoi ressemblerait Marie sans souffrance? Cette idée n'implique rien moins que la disparition de la Madone du sein de l'Église. Une incarnation exempte de douleur aurait entraîné à sa suite une mère également exempte de douleur, mais l'enfant de Bethléem, soumis à la souffrance, a enchaîné sa mère dans les mêmes liens de douleur qu'il enchaînait lui-même. La violence du martyre de Marie vient de la perfection de l'amour filial de Jésus pour elle. L'accroissement des mérites de la Sainte Vierge est une autre raison de ses souffrances, car les mérites ne s'accumulent jamais plus vite que dans la souffrance. La qualité de Mère de Dieu n'aurait pas été une raison pour que Marie fût élevée dans le ciel, sans la grâce sanctifiante qui précéda et suivit la dignité de la maternité divine. La grandeur de cette dignité est pour nous une preuve de la grandeur de la grâce, parce que, dans les desseins de Dieu, ces deux choses sont inséparables. Ainsi, la dignité que nous voyons est pour nous le signe de la grâce que nous ne voyons pas. L'élévation de Marie doit dépendre de ses mérites, et ses mérites doivent être acquis par une longue carrière de souffrance. Oh ! Qui dira la multitude des ravissements qui remplissent actuellement le ciel, et l'âme surtout de notre Mère bien-aimée, et dans lesquels elle reconnaît les récompenses spéciales de chaque douleur séparée, la couronne spéciale de chaque action surnaturelle, et, malgré le prodigieux excès de la récompense, elle en discerne en détail la correspondance avec chaque douleur particulière. Elle voit comment ces récompenses sont nées pour ainsi dire de ses douleurs, quoique d'une façon surnaturelle, car la grâce n'est pas autre chose que la gloire. C'est seulement la gloire dans l'exil, tandis que la gloire est la grâce dans la patrie. La grâce est le solide trésor, la gloire en est seulement la joie et le triomphe, de sorte que cette grande compassion de Marie est arrivée à la gloire par la route ordinaire et légitime du royaume des cieux. 63 ans de joies extatiques n'auraient jamais, dans l'ordre actuel des desseins de Dieu, élevé ce trône maternel à une si extraordinaire proximité de Dieu. La reine du ciel devait nécessairement être traitée comme une reine, pour qu'elle pût en tenir le rang d'une manière plus légitime et plus élevée lorsque le jour de son avènement serait arrivé. Le triomphe de l'Assomption était dû à l'amertume de la compassion. Il y a toujours une apparence de cruauté dans les hautes destinées. La fortune traîne ses favoris au travers des épées nues. La haute destinée de Marie n'est pas exempte de cette apparence de cruauté. Et ce qui paraît si cruel, c'est la nature divine de son Fils. C'est le résultat de l'infinie perfection de Dieu qu'il doit nécessairement se chercher lui-même, et être à lui-même sa propre fin. Ainsi Dieu est la dernière fin de toutes les créatures, et il n'y a pas d'autre fin véritable dans le monde que lui. C'est donc une partie de sa magnificence, une partie de son profond amour, que toute chose ait été faite pour lui, et que sa gloire soit supérieure à toute autre chose. La plus grande miséricorde de Dieu envers ses créatures est de leur permettre de contribuer à sa gloire, et de le faire d'une manière intelligente et libre. Bien considéré, la créature ne peut avoir de félicité plus grande que celle d'augmenter la gloire de son Créateur. Voilà la seule vraie satisfaction tout à la fois pour son intelligence et pour sa volonté, la seule chose qui puisse être pour la créature un éternel repos. Et c'est une autre raison pour laquelle la permission de souffrir fut donnée à Marie. Dieu put ainsi recevoir d'elle plus de gloire, non seulement que de toute autre créature, mais encore que de toutes les créatures réunies, à l'exception seulement de la nature créée de notre Seigneur. Marie eut le merveilleux privilège d'égaler en sa personne toute la création, et de la surpasser même d'une façon excellente et absolue par la louange et par l'adoration, par la gloire et le culte qu'elle rendit au Créateur. Lorsqu'elle avait à gravir des hauteurs effrayantes, situé bien au-dessus de la portée des sentiments et de l'intelligence des saints, lorsqu'elle s'enfonçait dans les torrents profonds de sang et de larmes, et qu'elle traversait ces ondes semées d'écueils et de rochers, Marie était remplie des grâces puissantes qu'exigeait une si merveilleuse correspondance à la volonté divine. Mais elle ne reçut jamais de Jésus aucun don auquel elle attacha autant de prix qu'à sa douloureuse compassion. Non, pour un monde elle n'eût voulu être privée de la moindre circonstance qui pouvait aggraver sa douleur. Dans l'excès même de la plus intolérable de ses afflictions, elle jouissait, dans un esprit d'adoration profonde, de l'inexorable souveraineté de Dieu. C'est Dieu qui était suspendu à la croix, et son Fils était Dieu. C'était le crucifié pâle, défaillant, faible et sanglant, dont la gloire, plus vaste que le plus vaste océan qui environne le monde, voulait encore s'abreuver, avec une complaisance incompréhensible, aux torrents de surnaturelle bonté de sainteté consommée que les glaives acérés de la douleur faisaient jaillir de son cœur immaculé. Ce fut elle, pour ainsi dire, qui paya la dette que les saints avaient contractée envers Jésus pour sa passion et qu'il n'aurait jamais pu acquitter. Marie au pied de la croix, c'était le monde en adoration, car quelle autre créature adorait alors Jésus dans ses abaissements? Et toute cette cruauté d'un Dieu avare de sa gloire, cette soif infinie de posséder ses créatures, était pour Marie la perfection des délices et le suprême exercice de la royauté, tandis que de la part de son divin Fils, c'était l'ineffable effusion de l'amour dont elle recevait les torrents depuis la nuit de l'incarnation. L'Église serait autre chose que ce qu'elle est si le culte de Marie dont ses douleurs ne formaient une partie de sa beauté, de ses trésors et de son pouvoir auprès de Dieu. Nous pouvons penser avec moins de trouble et de découragement à notre insolvabilité devant la passion de notre Seigneur bien-aimé, lorsque nous pensons à la douleur avec laquelle cette mère l'adora, douleur qui ne ressemble à nulle autre, si ce n'est à celle de son Fils. Nous aussi nous avons notre place dans ces douleurs. Marie doit souffrir pour l'amour de nous, aussi bien que pour l'amour de son Fils. Ne doit-elle pas être, en effet, la mère de consolation, le refuge des affligés? Il faut donc qu'elle descende dans les profondeurs de toutes les douleurs que peut ressentir le cœur humain. Autant qu'une simple créature peut le faire, il faut qu'elle les mesure toutes et qu'elle les éprouve toutes, sans en excepter même la douleur qui vient du péché, auquel nous sommes sujets et dont elle est exempte. Il faut qu'elle connaisse le poids de nos fardeaux et le genre de misère que chacun d'eux traîne à sa suite. Ce doit être pour elle une science que de mesurer avec certitude les consolations qu'exigent nos faibles cœurs au milieu de leurs différentes épreuves, et de reconnaître ce qui soulage et calme nos souffrances dans les mille circonstances diverses et dissemblables où nous les éprouvons. Notre Seigneur ne nous a pas rachetés de nos péchés par une apparition brillante dans les cieux, par une vision passagère de la croix aperçue des verts sommets du Tabor dans la splendeur éloignée du firmament, ni par une absolution prononcée une fois pour toutes sur les hauteurs du Carmel, en vue de la mer et de notre Occident lointain. Ce n'était pas sa volonté que la rédemption fût aussi facile que la création, facile pour lui, du moins, car pour nous elle l'est d'une manière merveilleuse. Il accomplit notre salut durant de longues années, avec des souffrances infinies, dans des abîmes d'ignominie, par l'effusion de son sang et par les inexprimables amertumes de son âme. Il gagna notre salut. Il le mérita, il lutta pour l'obtenir et il ne réussit que par les prodiges de sa passion. Il n'était pas nécessaire que tout cela arrivât, sans doute, une parole, une larme, un regard aurait pu l'accomplir. Il eût même suffi d'un acte de la volonté de Dieu, avec ou sans incarnation. Mais ce n'était pas son bon plaisir qu'il en fût ainsi. Dans sa sagesse infinie, il ne voulut pas s'appuyer seulement sur sa puissance infinie, et il choisit une autre voie. Il en est de même de Marie. Elle n'est pas créée tout d'un coup mère des affligés, comme par des lettres de noblesse. Elle ne devient pas la consolatrice de ceux qui souffrent, par un simple décret émanant de la volonté divine. Il eût pu en être ainsi, mais il en est autrement. Sa qualité de mère des hommes est comme une longue et pénible conséquence de sa divine maternité. Pour l'acquérir et la mériter, elle a travaillé, elle a souffert, elle a supporté les plus énormes fardeaux de douleur et elle l'a enfin obtenu sur le calvaire. Ce n'est pas qu'à proprement parler, elle put mériter cette qualité comme Jésus mérita le salut du monde, puisque cette qualité n'est qu'une partie du salut mérité par le Sauveur. Mais elle la mérita autant que le pouvait une créature, et c'est lorsqu'elle s'approchait du but, que Dieu vint par sa grâce au-devant d'elle. Combien donc n'était-il pas nécessaire pour nous que Dieu permît à Marie de souffrir? Que serait l'océan des douleurs humaines sans cette espèce de clarté lunaire qui répand Marie? L'océan, avec les nuages sombres et épais qui s'abaissent sur lui, ne diffère pas plus des magnifiques plaines de verdure ou des flots qui rejaillissent au soleil sur des rochers, que la triste étendue des chagrins successifs de la vie. Sans la douce et attrayante lumière qu'elle reçoit de l'amour de Marie, ne diffère de notre vie présente placée à l'abri de son trône maternel. Combien de pleurs n'a-t-elle pas déjà essuyé de nos yeux? Que de larmes amères ne nous a-t-elle pas fait trouver douces? Et puis, la vieillesse arrive, le cercle de ceux que nous aimons se rétrécit chaque année, la maladie, la mort nous attendent. Combien n'avons-nous donc pas encore à demander au trésor de consolation que renferme le cœur immaculé de Marie? Ce fut avec l'entière satisfaction de ce cœur, et pour notre bonheur, que Dieu lui permit de souffrir, afin qu'elle en devint plus réellement la mère des affligés, car en s'appesantissant sur elle, ces douleurs allègent à chaque instant les nôtres. Que la mesure des souffrances que nous pouvons endurer est petite, et combien grand fut le poids des douleurs qu'elle put supporter, et comme elle les supporta royalement. Notre Seigneur a été notre réconciliation et notre exemple. Il a racheté le monde uniquement par son précieux sang. Ses mérites seuls nous ont sauvés. Ses prérogatives, comme rédempteur, ne sont partagées par personne. Il fallait que sa mère fût rachetée, aussi bien que le reste des hommes, quoiqu'elle dût l'être d'une manière différente et plus sublime, préventive et non réparatrice, par l'incomparable grâce de l'Immaculée Conception, et non par la régénération après un état de chute. Cependant, c'était la volonté de notre Seigneur que sa mère, sa coopération, son consentement, ses grâces, ses souffrances, fussent tellement mêlées avec l'œuvre de la rédemption, que nous ne puissions les en séparer. Il voulut que la compassion de Marie fût liée à sa propre passion, et, en effet, sans la compassion, sa passion eût été différente de ce qu'elle fut réellement. C'est ainsi qu'il semble soumettre Marie à la même loi d'expiation que lui-même, afin qu'on pût dire avec vérité, en plusieurs sens, qu'elle prépare à la rédemption du monde. Mais si ce que nous venons de dire est vrai de Jésus-Christ, considéré comme victime expiatoire, œuvre pour la perfection de laquelle l'union de la nature divine avec la nature humaine était nécessaire, Cela est encore plus vrai du Christ considéré comme notre exemple. Avec la grâce de son Fils, Marie devenait la plus capable de partager cette fonction avec lui, et, parce qu'elle n'était qu'une simple créature, une créature purement humaine, cette fonction nous touchait de plus près. Aussi pouvons-nous peut-être supposer que Dieu permit les douleurs de Marie pour qu'elle nous servît d'exemple d'une manière plus excellente. La douleur caractérise plus ou moins toute vie humaine, et tout en renfermant en elle les moyens particuliers d'union avec Dieu, elle dérange et trouble plus que toute autre chose nos relations avec lui. La douleur attaque notre confiance en Dieu, et il n'y a point de véritable adoration sans confiance. Elle fait naître des tentations contre la foi, où elle trouve en elles une certaine parenté lorsqu'elle se présente. Elle nous conduit à une sorte d'humeur et d'insolence à l'égard de Dieu, faute qui viennent des abîmes même de notre nature, de ces mêmes abîmes d'où émanent pourtant aussi l'adoration et l'amour qu'elle combat secrètement, et dont elles réussissent souvent à prendre la place. Nous reconnaissons que cette insolence est un véritable phénomène de la nature créée, à la manière surprenante avec laquelle Dieu justifie l'irrévérence de Job, et trouve un péché digne de châtiment dans les critiques de ses amis, tandis que lui, le scrutateur des cœurs, ne voit dans les plaintes hardies du patriarche rien qui porte atteinte à l'intégrité de sa patience, et qu'il les voit, au contraire, en harmonie avec le respect et l'amour qui lui sont dus. Endurer les douleurs est peut-être l'œuvre la plus élevée, la plus ardue que nous ayons à accomplir. Et il est en grande partie dans les desseins de Dieu que la somme des douleurs que nous devons endurer s'accroisse avec le degré de sainteté qui nous rend capables de les supporter. Il faut que nous supportions la douleur d'une manière naturelle, lors même que nous la supportons d'une manière surnaturelle. Ce n'est pas être saint que d'avoir la main sensible ou difficilement impressionnable, même lorsque ce manque de sensibilité résulte de ce que les intérêts religieux se sont emparés d'elle et l'ont placé dans une abstraction plus élevée. Assurément, la spiritualité nous empêche de ressentir plusieurs douleurs, et nul ne prétendra qu'une telle insensibilité ne soit, sous beaucoup de rapports, un privilège. Mais il ne faut pas la confondre avec une héroïque patience à supporter les souffrances. Pour être héroïque dans cette même matière, il faut que le cœur sente jusqu'au vif, que l'amour divin enfonce plus cruellement et plus profondément les traits qui nous blessent. Or, en tout ceci, Marie est notre exemple, un exemple purement humain, un exemple qui, d'ailleurs, a produit par le fait de tels résultats de sainteté éminente et de grâce surnaturelle dans l'Église, que nous pouvons sans crainte hasarder la conjecture que ce fut là une des raisons pour lesquelles Dieu permit l'excessif martyre de la Sainte Vierge. Nous oserons encore suggérer une autre raison de ces douleurs. Comme la Bible est une révélation parlée, de même Marie est, dans un certain sens, une révélation symbolique. Dieu se sert de Marie comme d'un instrument destiné à rendre clair beaucoup de choses qui, autrement, seraient restées dans l'obscurité. C'est une idée familière aux théologiens de regarder la Sainte Vierge comme une sorte d'image de la très sainte Trinité. Comme fille du Père, mère du Fils et épouse du Saint-Esprit, elle représente faiblement, sans doute, puisqu'elle est une créature, mais avec vérité, néanmoins, les relations des trois personnes divines. Elle est pour ainsi dire un lac aux eaux tranquilles et transparentes, au sein duquel les merveilleux attributs de Dieu et les hauteurs des cieux, malgré leur éloignement, se réfléchissent d'une manière distincte et fidèle. Nous connaissons mieux la miséricorde de Dieu, sa condescendance, son intimité avec ses créatures, ses voies particulières, grâce à la lumière qu'il a fait briller sur Marie, que nous n'aurions pu le faire autrement, et par là, nous comprenons mieux aussi ce que nous connaissons ou que nous aurions pu connaître par d'autres moyens. Ainsi, les perfections de Dieu en lui-même, sa manière d'agir avec ses créatures, le mode sous lequel se manifestent ses grâces réparatrices, la possibilité de la sainteté, la fécondité d'invention de l'amour divin, la manière dont Dieu forme les saints, sa conduite sur l'Église, sa société intérieure avec les âmes qui le cherchent. Voilà autant de choses écrites sur Marie, comme des inscriptions hiéroglyphiques faciles à déchiffrer à la lumière de la foi par l'intelligente pénétration de la piété. Ainsi, Dieu l'a revêtue de ses douleurs, comme pour en faire une révélation complète du grand mystère de la souffrance. Il a fait briller en elle cette doctrine féconde, que la souffrance, lorsqu'il s'agit des choses divines, est la véritable conséquence de l'amour. Marie n'avait commis aucun péché pour lequel elle dut souffrir. Elle n'avait pas de châtiment à subir pour la chute d'Ève. Elle n'était pas comprise dans la loi du péché. Dans l'ordre des desseins du ciel, Marie était prévue avant le décret qui permit le péché. Elle n'avait pas non plus de monde à racheter. Tout son sang, cette source si douce du précieux sang, n'aurait pu laver un seul péché véniel, ni sauver l'âme d'un seul enfant nouveau-né, exempt de péché actuel à expier. Elle était simplement plongée dans une mer d'amour ineffable, c'est pourquoi le déluge de la douleur passa sur son âme et y pénétra justement, de même que les fleuves aux flots turbulents vont naturellement se jeter dans la mer. Ses souffrances ferment pour jamais la bouche à la plainte. C'est avec une douce violence et une force de persuasion irrésistible qu'elles imposent silence à tous les enfants affligés du Père Céleste. Les saints ne peuvent douter plus longtemps que la souffrance ne soit la grande ressemblance avec le Christ. Au sein de notre extrême bassesse, nous, dont la patience est un tissu tellement mince qu'il était déjà presque usé même lorsqu'il était neuf, nous apprenons non seulement à nous taire, mais à souffrir avec douceur. Nous pensons même avec joie qu'un temps viendra où nous aimerons ces souffrances qui sont comme une monnaie d'or avec laquelle Dieu paie notre amour.